dites-moi des choses tendres. Bienvenue dans Parlez-moi d'amour, le podcast qui nous raconte comment c'est d'aimer quand on a 30 ans. Parce que la trentaine est souvent vue comme un cap charnière, un moment où il va falloir faire des choix amoureux qui nous semblent parfois déterminants pour les années suivantes. En discutant autour de moi, j'ai remarqué qu'aimer quand on a la trentaine soulève beaucoup de questions. Est-ce que cette personne est la bonne? Est-ce que c'est avec lui ou avec elle que je vais avoir des enfants? Et puis, en fait, est-ce que je vais avoir des enfants? Est-ce que c'est grave d'être célibataire à 30 ans? Et si je restais tout seul toute ma vie? Et puis, est-ce qu'il y a enfin un âge où on arrête de se poser toutes ces questions? Pour dédramatiser ce grand cap des 30 ans, j'ai discuté avec des trentenaires de leur vie amoureuse et des questions qu'ils se posaient, parfois sans oser les formuler. Je suis Colline et vous écoutez Parlez-moi d'amour. Je trouve qu'après 25 ans, on se fout une pression mais de malade quand on tombe amoureux. La réalité, c'est que je mets encore un bonhomme en ketchup sur mes pattes. Ça va être trop chouette. C'est un autre chapitre, le grand amour. On verra. Rien que le mot date me fout des... Je sais pas, j'ai un espèce de... C'est dur, hein. C'est vraiment dur pour moi. On n'a pas parlé de cul. Aujourd'hui, j'ai discuté avec Marie. Marie a 27 ans, presque 28, et ensemble, nous avons parlé de l'importance de se connaître soi-même, de la difficulté à assumer un non-désir d'enfant quand on approche de la trentaine, de libido et de la joie à être seule. J'espère que cet épisode vous plaira. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le noter avec 5 étoiles ou des pouces levés, et je vous souhaite une très bonne écoute. Salut Marie. C'est comment l'amour à 27 ans? Dans mon cas, moi, je pense que c'est... Ça se définit par le fait que c'est très paradoxal. Moi, je suis en couple depuis que j'ai 20 ans. J'en ai 27, bientôt 28. Et en fait, j'ai eu deux relations longues. Et en fait, j'ai vu une nette différence entre le fait d'être amoureuse à 20 ans et le fait d'être amoureuse à... Du coup, j'ai rencontré mon ex quand j'avais 26 ans. Et j'ai vu vraiment une différence. Bah, quand j'ai rencontré JB, il y avait vraiment, c'était caractérisé par le fait que j'avais l'impression d'avoir trouvé ma personne. Donc JB, c'était celui que tu as rencontré à 26 ans? Ouais, voilà. À 20 ans, c'était vraiment innocent. Alors, c'était le premier amour, donc c'était l'amour de ma vie. Et voilà, c'était complètement fou, etc. Mais très vite, je pense qu'au bout de 2 ans de relation, on est restés 5 ans ensemble. Et donc, ma première relation... Mais je pense qu'à vers 23-24 ans, je me suis dit, en fait, on va pas, enfin, on reste pas avec notre premier amour et tout. Et j'ai tout de suite eu ce truc, ça va être différent après 25 ans. Et du coup, j'ai quitté ma relation comme ça. Et du coup, quand j'ai rencontré du coup la personne avec qui j'étais 2 ans là, donc à 26 ans, là, j'étais folle amoureuse, pareil. Et le premier truc que je me suis dit, c'est je vais me marier avec ce mec, quoi. Chose que je suis pas du tout... pro-mariage, je n'y pense pas du tout. Et par contre, là, c'était... alors, on va emménager... je m'en souviens, parce qu'on était dans un ego trip pendant 6 mois. Et on parlait d'emménager ensemble hyper vite. Enfin, moi, je me voyais vraiment... avec la robe et tout. Enfin, n'importe quoi. Et puis, c'était bon, quoi. Enfin, il y avait un truc, un espèce de truc de soulagement de me dire, ah, c'est bon, j'ai trouvé la personne avec qui je vais être au moins 30, 40 ans et tout. Et en fait, le paradoxe, c'est qu'au fur et à mesure de la relation, je me suis rendu compte que ça correspondait pas forcément à ce que moi, je voulais vraiment, mais juste à l'image qu'on se fait d'une fille en couple de 27 ans, quoi. Tout doit aller très vite et tout doit aller machin. Et d'ailleurs, c'est ce que mon ex me voulait comme ça, en fait. La relation a commencé à se détériorer à partir du moment où j'ai compris que la fille que je devais être, c'était pas moi, quoi. J'avais l'impression qu'à 27 ans, il fallait être sûr de soi, il fallait être dans un boulot depuis 3 ans et avoir plein d'ambitions professionnelles et puis avoir plein de projets, plein de trucs. Et puis moi, j'ai toujours... Déjà, j'ai pris du retard dans mes études et tout. Et en fait, j'avais l'impression qu'on me renvoyait une image, et dont mon mec, hein, et dont moi aussi, moi-même, je me donnais cette image, mais il faut que je sois comme ça. Et c'est pour ça que je trouve qu'après 25 ans, on se fout une pression, mais de malade, quand on tombe amoureux. C'est moins... innocent. Mais qui se la fout, cette pression? C'est toi ou c'est les autres? C'est moi toute seule, parce que j'ai pas vu de changement autour de mon entourage, ni de mes potes. Enfin, il y avait pas ce truc, c'était cool que j'ai rencontré quelqu'un, mais moi j'arrêtais pas de répéter, mais non, mais tu te rends pas compte, c'est pas quelqu'un, c'est vraiment... ça y est, quoi, c'est lui, enfin, voilà. Alors, moi, où j'étais bloquée, c'est que donc je me comportais comme ça, j'avais des aspirations de meuf de 27 ans, où je me disais, bah oui, c'est ça, c'est pour ça que je voulais emménager avec lui, etc. Sauf qu'après vient la question très vite des enfants. Moi, j'aspire pas du tout à pas pour le moment en tout cas avoir des enfants. Et en fait, c'est là où je me suis rendu compte que j'étais en train de faire n'importe quoi et que la personne que je renvoyais et que la personne que mon mec voulait que je sois, c'était plus moi, quoi. C'est-à-dire que moi, j'ai pas 1000 projets, j'ai pas une ambition professionnelle de fou parce que je viens d'être diplômée et j'étais... Je suis à la fois très adulte, parce qu'effectivement, passer le cap des 25 ans, on se retrouve dans des situations où on passe des entretiens, où on négocie des salaires, où... au bout d'un an de taf, on commence à avoir un peu de responsabilité, etc. Donc, j'ai ce côté très adulte, mais j'ai ce côté aussi où je ne sais rien, où ce que je vais faire. Enfin, et à la limite, ça ne me pose pas de problème, parce que je me laisse porter. Mais j'avais l'impression qu'il y avait une pression, il ne fallait pas se laisser porter comme ça. C'est là où je me suis dit, en fait, il y a un décalage entre qui je dois être et qui je suis vraiment. Et je parlais des enfants parce que tout ce que je voulais, bah, ça allait aussi avec le fait de fonder une famille, etc. Et là, je disais à mon mec, par contre, là-dessus, j'étais très honnête dès le début, et je disais, par contre, là-dessus, moi, ça me prendra beaucoup de temps, voire ça viendra pas. J'étais transparente, et là, c'est pas passé. Donc, après 27, là, j'approche de 28 ans, ce qui est très jeune, hein, j'ai même pas 30 ans, mais je me rends compte que c'est des choses auxquelles je vais devoir faire attention. Je vais peut-être pas le dire tout de suite au premier rendez-vous, je veux pas d'enfant, voilà, c'est pas le but, mais c'est des choses qu'il faut prendre en considération, qu'on n'a pas à 20 ans, qu'on n'a pas au début. Parce que là, toi, du coup, ce non-désir d'enfant, tu le considères comme définitif ? Là, en ce moment, du coup, je suis célibataire, j'apprends à me connaître toute seule, et effectivement, ce non-désir d'enfant, il est hyper fort, dans le sens où je sors quand même d'une relation, j'étais très très amoureuse avec quelqu'un, j'avais l'âge, j'ai le salaire aussi qui pourrait le permettre, enfin, je suis dans une situation où... Mais enfin, faut voir la réalité. Ça, c'est ce qu'on attend. Et la réalité, c'est pas ça, quoi. La réalité, c'est que je mets encore un bonhomme en ketchup sur mes pattes, que j'ai des côtés, voilà, très adultes, mais j'ai encore envie d'être hyper candide, d'être hyper jeune et d'être hyper, hyper égoïste, quoi. Et égoïste dans le sens où j'ai envie de vivre un peu pour moi, et je pense que j'ai envie de vivre un peu pour moi toute ma vie, quoi. Voilà, c'est un fait maintenant. On verra plus tard, mais j'ai pas à me foutre la pression. Je m'en fous. Je le vis bien, parce que, en fait, toute la question était de savoir, il faut que je l'accepte. En fait, j'arrête de me torturer comme ça. Je me dis que c'est pas grave, quoi. J'en veux pas. C'est pas grave. Et du coup, ça a vraiment posé un problème dans ta relation. Ouais, rapidement. Parce que le pire, c'est que je l'ai dit, je pense, dans les 5 premiers mois, dans une conversation comme ça, Enfin, j'avais un peu bu, donc je me souviens avoir été assez catégorique. Ah non, ça c'est pas du tout pour moi, etc. Et l'avoir justifié après, mais l'avoir justifié... Enfin, je sentais qu'il me demandait de le justifier. Et à partir du moment où j'ai juste dit, bah voilà, moi c'est un truc que j'ai jamais ressenti, peut-être que ça viendra, il voulait que je justifie encore plus. Et vraiment, je suis tombée sur quelqu'un qui était vraiment curieux de se dire, mais comment ça se fait qu'on veuille pas d'enfants, enfin... Je me souviens qu'il m'a dit cette phrase, qui m'a redit d'ailleurs, il n'y a pas très longtemps avant que ça se finisse, mais il me disait « je ne me vois pas vivre si ce n'est pas pour donner la vie ». C'était vraiment, la vie n'a aucun sens si on n'a pas d'enfant, et moi c'était l'opposé, la vie a beaucoup plus de sens quand on est libre et qu'on vit pour soi. Et justement, est-ce que tu ne trouves pas qu'il y a un paradoxe entre cette liberté qu'on peut ressentir à la trentaine, parce qu'aussi on se connaît mieux, et cette injonction à avoir des enfants qu'on peut nous plaquer dessus quand on est trentenaire, du fait qu'on a cette horloge biologique qui se réveille, et que voilà, que, d'ailleurs qu'on peut ressentir de la part des autres, ou même de la part de soi-même, de son propre corps. Tout dépend de la personne. Moi, j'ai mon ex, il vient d'une éducation hyper catho, il vient d'une ville hyper conservatrice, enfin... C'est un mec qui se voulait de gauche et hyper libre et pas du tout dans ces trucs-là, mais tout dépend, en fait, je pense aussi de ta condition sociale à ce niveau-là, quoi. Lui, il est plein de paradoxes, parce que je pense qu'il correspond à ce genre de truc, quoi. On est trop bien, on a trop le temps, on fait partie d'une génération où on arrête les injonctions, etc. Mais par contre, ça m'empêche de dormir que ma meuf, elle veut pas d'enfant, quoi. Et est-ce que par rapport à ce non-désir d'enfant, tu t'es déjà sentie jugée, outre par ton mec, mais aussi par des copines de ton âge, quand t'en parlais ? De mon âge, jamais. Par contre, des personnes au-dessus, des générations plus anciennes, c'est constant. Ma mère trouve ça trop cool, maintenant, que mon non-désir d'enfant, elle a fait des recherches et elle s'est rendue compte que... Bah, parce qu'elle, elle a tout le truc écologique, de toute façon, la planète va péter, donc c'est très bien que je fasse pas d'enfant. Mais par contre, à chaque fois que j'ai eu des problèmes, c'était des gens qui avaient 40, 50 ans et qui me disaient toujours « Non, mais tu vas changer d'avis. C'est juste que t'as pas trouvé la bonne personne. » Quand je dis que j'étais amoureuse de mon ex, j'étais vraiment amoureuse de lui. Je me voyais... Moi, j'avais envie de la vie à deux comme on l'imagine. C'est-à-dire, je voulais me marier, je voulais qu'on emménage ensemble. Enfin, j'avais des projets de vie qui sont réels, quoi. Je pense pas que c'était pas une question de personne, quoi. C'est une question que c'est moi, je me connais. Enfin, j'apprends à me connaître, du coup. Mais je pense pas que ça soit lié à la personne qui est en face de moi. Enfin, ça sera peut-être amené à changer, mais ça viendra de moi. Ça viendra pas de la personne que j'ai en face. Ça viendra seulement de moi, je pense. J'ai eu les trucs, ah bah si on pense comme toi... J'ai pas l'impression que c'est apocalyptique. Je sais pas ce qui va se passer. D'ailleurs, la phrase reste souvent en suspension, mais je sais pas s'il y avait beaucoup de gens comme toi. Voilà. Moi, c'est parce que c'est trop tôt. Ça fait même pas... J'ai même pas 30 ans, donc du coup, les gens se disent « Ah non, mais la pépette, elle dit ça, mais en fait, elle va avoir son horloge, d'un coup, elle va se réveiller, bam, elle va absolument vouloir procréer. » Voilà. Je pense que ces gens-là, en fait, ils me regardent un peu avec condescendance et ils disent « Ouais, elle va changer d'avis. » Et du coup, c'est un truc, tu disais que quand même, si tu rencontres quelqu'un, tu penses que tu le diras pas forcément facilement. Je le dirai pas tout de suite. Ouais. Je le dirai pas tout de suite parce que c'est pas le... J'ai pas envie que ça me caractérise, en fait. J'ai envie que ça soit naturel et... Après, oui, je le dirai rapidement, mais pas au premier rendez-vous. Et pas au bout de deux semaines de rencard, voilà. Je pense que je dépasserai la phase rencard et puis, ouais, au bout d'un moment, je le dirai. Faut le dire vite. Parce que j'ai pas du tout envie d'engager quelqu'un dans un truc... Faut le dire vite et pas tout de suite. Alors pourquoi pas tout de suite? C'est parce que j'en sais rien en fait. Moi je sais que j'en veux pas. Aujourd'hui j'en suis sûre, je l'ai toujours pas. Mais je vais pas dire à quelqu'un ce que je ne sais pas moi-même. Voilà. C'est paradoxal parce que du coup je déteste que les gens me disent tu sais pas, tu vas changer d'avis. Je vais pas vous garantir que je vais pas changer d'avis, mais en fait vous ne le savez pas non plus. Donc on arrête, voilà, on arrête là, on ne sait pas. C'est plus ça, je pense que je dirais. Je ne sais pas si je veux avoir des enfants. Mais en tout cas, aujourd'hui, c'est formel, je n'en veux pas. Et du coup, pour revenir à ta relation, outre ce non-désir d'enfant, comment tu expliques que tu sois passée de « c'est le mec de ma vie » à « bon bah, on va s'arrêter là ». C'est ma décision d'avoir quitté cette relation, mais j'ai fait fonctionner ce couple en me disant, en fait, il va se rendre compte que c'est les attentes versus la réalité, c'est pas forcément une déception, ça peut parfois être cool et ça peut être un peu inquiétant, mais faut y aller. Et du coup, c'est plus pour ces raisons-là, en fait, que ça n'a pas fait, parce que lui, il voulait pas du tout des enfants dans l'année à venir, mais c'était le fait que, du coup, il savait qu'il pouvait pas se projeter avec moi. Ce que je comprends, hein. On a été dans un ego trip, mais incroyable pendant un an, où, quand on s'est rencontrés avec ce mec-là, on était plus fort que tout, on s'aimait plus que tout le monde. Et en fait, moi, je sortais d'une relation, donc je savais qu'en fait, cet ego trip allait durer un temps, mais allait finir. Et du coup, parce qu'on a ces lunettes d'amoureux, tout va bien. Et puis après, on enlève les lunettes et on se rend compte des petits défauts de l'autre. Et voilà, et puis on décide de faire avec parce que c'est un amour qui se transforme. Et lui, c'était sa première relation sérieuse. Et en fait, je pense qu'il aurait dit, oulala, d'accord. Donc en fait, ses ambitions, tout ce qui la caractérise ne correspond en rien à ce que j'attends de la vie. Et au lieu de l'accepter telle qu'elle, je vais la conditionner pour être... Il l'a pas fait consciemment, hein. Je parle pas d'un énorme tordu, mais voilà, je vais la conditionner. Ouais, elle va être comme ça, il n'y a pas le choix. Plus, c'est lui, ça le faisait pas, parce qu'il y avait toujours des choses qui n'allaient pas dans ma personnalité et dans ce que je représentais pour lui, quoi. Il y avait tout un truc aussi autour de ma sexualité, qui était bridée par le fait que j'avais l'impression que j'avais une sexualité limite enfantine ou adolescente avec lui. C'est-à-dire que moi, j'ai toujours eu une libido, j'ai une super libido dans notre couple, j'ai beaucoup de désirs, j'avais beaucoup de désirs pour lui. Et en fait, ce qui fait partie de moi, c'est que je suis hyper ouverte sur le sujet de la sexualité. C'est-à-dire que autant je vais dire que j'ai ce non-désir d'enfant, autant je vais aussi aborder des trucs. Moi, je me souviens qu'au bout de 3 semaines, on dînait ensemble, je lui ai dit, je te préviens, je me masturbe beaucoup. Et il avait rigolé, mais regardez, qu'est-ce qu'elle me dit? Et je lui dis, en fait, je pense qu'il faut que je te dise, je me masturbe plus que la moyenne. Et je m'en souviens, mais elle dit ça parce que, vu que c'est vrai, parfois je peux l'évoquer dans des trucs... Enfin, j'ai aucun problème à parler de ça, quoi, du fait que je me fasse plaisir. Et du coup, il avait rigolé, etc. Alors je m'étais dit, bon, Et en fait, au bout de 2 ans, sexuellement, moi, j'avais l'impression de trop demander. Je sais pas, enfin, j'avais encore envie de lui et j'avais encore des envies, quoi. Même si ça marchait pas, moi, j'ai encore des envies. Et le premier truc qui m'avait sorti, c'était que, en fait, enfin, tu sais, c'est normal à notre âge de pas faire l'amour 5 fois par semaine. Enfin, c'est normal. À un moment où je pense que j'avais envie de lui et que je disais, bah attends. En plus, j'ai jamais été dans ce truc de performance. Je le faisais pas parce qu'il fallait qu'on le fasse. Je le faisais parce que j'en avais vraiment envie, quoi. Et du coup, dans ces moments où du coup j'étais hyper moi-même, j'affirmais là mon désir, il me renvoyait ce truc de cette comparaison aux gens de notre âge qui ne font pas l'amour 3 fois par semaine. Et je comprenais pas le rapport. Et dans cette même période où j'ai évoqué le fait que je m'étais masturbée complètement naturellement autour d'un verre, où je lui ai dit, il a dû me raconter sa journée, moi je lui ai dit, moi j'ai rien foutu, j'étais dans mon lit, j'ai dû me masturber au moins 4 fois, quoi. Je rigole, et là je sens un moment de gêne, et limite, pas de la colère, mais une espèce de truc, t'es obligé de parler de ça, enfin t'es peut-être pas obligé de me dire que... Et je me suis dit, c'est dingue, quoi, enfin... C'est quoi ce truc de... on fait semblant que je suis pas satisfaite et puis en plus, j'ai même pas le droit de me donner, de me procurer du plaisir, quoi. C'est-à-dire qu'on est sur 2 trucs où en fait, ma sexualité, elle est remise en question et j'ai pas le droit de trop l'affirmer, quoi. Donc chose qui était complètement naturelle au début est passée à un truc un peu gênant, un peu tabou. Tu veux trop faire l'amour et puis tu te masturbes trop, quoi. J'imagine que le fait que toi la fille t'aies plus envie que lui le mec, ça a aussi dû poser un problème. Oui. Bah, moi je sais que, alors j'ai toujours eu le cas d'avoir la libido plus élevée que le mec, et je sais que pendant ma première relation, pareil, donc celle de 5 ans. Je me souviens qu'il m'a sorti un truc, c'est pour avoir confiance en toi, ou je sais pas quoi. Enfin, que ma libido, elle cachait en fait un mal-être, que mon envie, mon désir, mon érotisme, en fait, cachait une espèce de... un manque de confiance en moi, ou limite un daddy issue, qu'en fait, c'était évident. Que c'était lui qui était normal, et moi, ouais, effectivement, c'était pas normal, quoi. Ou du moins, fallait pas en parler. Tu penses que ça les effraie, cette sexualité épanouie, libre, un peu débordante ? Ouais, c'est sûr que ça, je pense que ça le mettait pas bien. Et lui, il l'exprimait en disant « tu me fous la... » En fait, il sentait une pression omniprésente de ma part. Je vais pas être la fille qui va sauter sur le mec qui me dit non. Donc je forçais pas. Mais même sans que je force, il y avait ce truc de se dire oh là, beaucoup trop de désir cette nana, moi ça me fout la pression, je vais pas y arriver. Enfin, ils sont tout pères, enfin, ils, je veux pas généraliser, mais en tout cas, dans mon cas, c'était vraiment une espèce de truc non, moi je vais pas pouvoir, quoi, je vais pas être à la hauteur. C'était très difficile pour lui d'accepter ça, quoi. Et c'était, valait mieux ne pas en parler et me faire passer pour une espèce d'info qui a pas de confiance en elle et qui en fait pour se sentir un peu vivante a besoin de se faire baiser, quoi. Et d'ailleurs les femmes qui ont une grosse libido ou qui ont juste beaucoup de désir et qui sont érotiques, on pense qu'elles compensent en fait un manque de confiance en elles, alors que c'est faux. Enfin, on dit pas ça d'un homme, par exemple. On dit pas qu'un homme qui adore faire l'amour à sa femme, c'est parce qu'il est en fait il a un problème avec sa mère. Et c'est absurde. Et donc maintenant que tu es célibataire, tu le vis comment? Alors du coup, bah, là je sors de pratiquement 8 ans, c'est très long, 8 ans de couple, voilà, c'est très long. Alors c'est des amours complètement différents, enfin elles se ressemblent en rien, les amours que j'ai éprouvés ne ressemblent en rien. Par contre, ouais, il y a ce truc où ça fait quand même 8 ans que je suis engagée à deux, que je me projette à deux. Enfin, du coup, là, je suis hyper excitée à l'idée de... C'est même pas célibataire, parce que c'est seule. Enfin, j'arrive plus à me dire que je suis célibataire, je suis seule, quoi. Ça génère pas d'angoisse, pour toi, c'est plutôt positif. Pendant longtemps, ça, je pense que... Ouais, si, 2 mois après avoir rompu avec mon premier amour, j'ai enchaîné une relation de 11 mois qui était catastrophique, mais parce que ça m'angoissait terriblement de me dire, mais en fait, moi, toute seule, c'est pas possible. J'étais pas prête. Je m'en veux pas, et maintenant je me dis que ça y est, 28 ans, bientôt 28 ans, du coup, ça y est, quoi, je suis prête, et je pense que ça sera que plus sain si je veux construire une nouvelle relation. Je pense que faut que j'apprenne à me connaître moi-même, et je suis plus du tout dans le même état d'esprit qu'à 25 ans, je suis plus... ça va être trop chouette, ça va être trop chouette. Je me suis dit, C'est un peu horrible à dire, mais le soir de ma rupture, j'étais très très mal. Mais il y a un moment où je me suis couchée, où je me suis dit, mais j'étais excitée comme quelqu'un qui demain va aller à Disneyland, quoi. Là, j'avais un peu le vertige, mais ce vertige un peu excitant en se disant, mais je vais pouvoir faire 1000 trucs, quoi. Parce que je pense que ça va, je me connais à peu près, et je me suis acceptée, et du coup, je me suis dit, ça va être cool. Enfin, on va faire en sorte que ça soit cool. Je dis on parce que j'imagine mon chat à chaque fois. Parce que j'ai regardé mon chat, hein, je lui ai dit, il n'y a plus que nous et tout. Et je me suis dit, mais c'est trop cool, quoi. Non, je ne suis pas du tout angoissée. Faut y aller, quoi. On va de l'avant, ça va être trop cool. Je vais sûrement me casser la gueule plusieurs fois, mais c'est pas grave. Et t'as l'impression que t'es moins dans cette quête de l'homme idéal maintenant que t'as pu l'être à 20 ans ? J'ai jamais vu l'homme avec ma personne, du coup, parce que c'est ça que j'ai l'impression que je l'appelle, comme étant comme ci, comme ça. J'étais dans cette recherche de du grand amour, peut-être c'est ça, du coup. Maintenant, non. J'en ai connu, j'ai connu ce que c'était très cool. J'espère que ça m'arrivera encore. Mais ouais, je suis moins... c'est bon, j'ai vu ce que c'était, donc ça va. C'est un autre chapitre, le grand amour, on verra. Le seul critère que j'aurais, du coup, c'est juste de tomber sur quelqu'un qui me voit tel que je suis et qui fantasme pas ce qu'une meuf devrait être à mon âge ou comme ça. Le seul critère, ouais, c'est ça. C'est juste au moins de m'accepter tel quel, quoi. C'est-à-dire que je suis névrosée. Je le cachais vachement avec mon ex. Je cachais le fait que j'étais pas sûre. Et c'est entièrement de ma faute, et c'est pour ça que je ne tiens pas du tout responsable de tout ça. Mais c'est que moi aussi, je pense que j'ai participé à tout ça, quoi. J'ai participé à la mascarade, et du coup, voilà, juste de tomber sur quelqu'un qui se rende compte que, bah, malgré mes névroses, le fait que je sois pas sûre de ce que je veux faire du tout, mais que je le vis très bien, je pense que c'est, dans mon cas, le plus important pour le moment. Tu visualises comment la suite, là ? Est-ce que tu as envie de rencontrer quelqu'un, ou c'est pas vraiment ta priorité ? Ah non. En fait, rien que le mot date me fout des... Je sais pas, j'ai un espèce de... J'ai quand même hyper hâte de retomber amoureuse, ça va être trop bien. Enfin, j'ai hâte de rencontrer quelqu'un. Mais par contre, pour moi, dans ma tête, dans mon imaginaire à moi, ça se passe pas en mode date. Je vais donner des rendez-vous à des gens à telle heure dans tel café pour qu'on discute de nos vies et qu'on se mette d'accord sur ce qu'on attend de la vie. Enfin, pour moi, c'est ça un date en vrai. Par contre, des rencontres, j'ai hâte, mais dater, non, je ne tournerai pas du tout vers des applis. Je l'ai fait. La relation a été un désastre. Ce n'est pas dû au fait que je l'avais rencontré sur Tinder, mais ça partait quand même très mal. Enfin, je trouve qu'il n'y a pas d'histoire, quoi. Moi, il me faut une histoire. Vu qu'enfin, je retrouve qui je suis vraiment et que je suis en mode je me laisse porter, je peux enfin m'autoriser à le faire, je me laisse porter là-dessus aussi. Je verrai, je ne suis pas pressée. Je sors d'un truc où j'avais l'impression de devoir être pressée, qu'il fallait que c'était pas normal que je sois pas pressée. Là, c'est bon, je suis toute seule maintenant, donc rien de presse. Alors, je sais que t'as du mal à te projeter, mais l'amour dans 10 ans, tu le vois comment ? Bah, dans 10 ans, j'aurai 37 ans. Oh, c'est dur, hein. C'est vraiment dur pour moi. Alors, j'espère que dans 10 ans, déjà, je me connaîtrai mieux que je me connais aujourd'hui. J'espère que j'aurais vécu plein de trucs avec moi-même. Je me serais emmenée en voyage, j'aurais fait plein de trucs. Et que je serais une amoureuse... Ouais, c'est ça, qui se connaît bien et qui est un peu passée au-dessus de toutes les injonctions que je peux avoir maintenant, aujourd'hui. Parce que c'est l'âge un peu où on attend beaucoup, je trouve. Plus pour les femmes que les hommes, d'ailleurs. Je trouve qu'on attend beaucoup plus d'une femme de la petite trentaine qu'un mec. Donc du coup, à 37 ans, j'espère être émancipée de ça, quoi. J'espère être hyper fière d'avoir 40 ans, d'être hyper fière de vieillir, d'être hyper OK avec ça. Mais je pense que je travaille beaucoup sur le fait d'être hyper contente de vieillir, d'avoir hyper hâte de me rencontrer quand j'aurai 40 ans. Et au niveau de l'amour, du coup, de rencontrer quelqu'un avec qui ça va le faire, quoi. Que... qui je suis va matcher avec quelqu'un qui n'a pas de problème avec ça, quoi. Sinon, moi, j'ai aucun souci avec le fait de vieillir sans quelqu'un, quoi. Sans conjoint, on va dire. Alors que c'était l'opposé avant, c'est ce que je disais, c'est qu'il y a vraiment une nette différence. De 20 à 25 ans, j'étais hyper fière de dire à mes copines que j'étais hyper fusionnelle, qu'on était un espèce de tout. Et du coup, les pires ruptures que je me suis tapées, c'est des ruptures où justement, je me suis complètement oubliée. Je me suis dit, faut pas s'oublier, t'oublies pas. Et s'affirmer, voilà, c'est ça. Pouvoir s'affirmer avec quelqu'un, c'est très bien. Merci Marie.